Après cela, je ne veux plus jurer qu'il ne puisse y avoir des relations quelque jour entre la Lune et la Terre. Les Américains, eussent-ils cru qu'il eût dû y en avoir entre l'Amérique et l'Europe, qui ne connaissaient seulement pas? Il est vrai qu'il faudra traverser ce grand espace d'air et de ciel qui est entre la Terre et la Lune. Mais ces grandes mers paraissaient-elles aux Américains plus propres à être traversées? En vérité, dit la marquise en me regardant, vous êtes fou. Qui vous dit le contraire? Répondis-je. Mais je veux vous le prouver, reprit-elle. Je ne me contente pas de l'aveu que vous en faites. Les Américains étaient si ignorants qu'ils n'avaient garde de soupçonner qu'on puisse faire des chemins au travers des mers si vastes. Mais nous, qui avons tant de connaissances, nous nous figurerions bien qu'on pût aller par les airs si l'on pouvait effectivement y aller. On fait plus que se figurer la chose possible, répliquai-je. On commence déjà à voler un peu. Plusieurs personnes différentes ont trouvé le secret de s'ajuster des ailes qui les soutiennent en l'air, de leur donner du mouvement et de passer par-dessus des rivières. À la vérité, ce n'a pas été un vol d'aigle, et il en a quelquefois coûté à ces nouveaux oiseaux un bras ou une jambe. Mais enfin, cela ne représente encore que les premières planches que l'on a mises sur l'eau et qui ont été le commencement de la navigation. De ces planches-là, il y avait bien loin, jusqu'à de gros navires qui puissent faire le tour du monde. Cependant, peu à peu, sont venus les gros navires. L'art de voler ne fait encore que de naître. Il se perfectionnera, et quelques jours, on ira jusqu'à la Lune. Prétendons-nous avoir découvert toutes choses ou les avoir mises à un point qu'on n'y puisse rien ajouter? Et, de grâce, consentons qu'il y ait encore quelque chose à faire pour les siècles à venir.